passion, comment elle insensée. S'il avait compris ce qu'elle disait, il serait resté ici à l'oublier. Loin de lui, son ami s'est installé. La prévenir, il prit un billet. Lorsqu'il sonne à l'air, Matador, elle l'envoie à dormir au dehors. Les quarts d'heure poétiques.